Judex d'Arthur Bernhead, épisode 11e, Londine, chapitre 3e, La fiancée de Coquentin. Miss Daisy Thorpe, ainsi que nous l'avons déjà dit et que nous l'avons vu, était une de ces femmes dont l'intrépidité n'avait point de limite. Peut-être le lecteur jugera-t-il nécessaire que nous lui esquissions en quelques traits rapides l'histoire de cette jeune et charmante personne qui est appelée à jouer un rôle important et même décisif dans ce récit. Ses qualités de bravoure, de charme et de beauté ne peuvent en effet que donner à toutes et à tous l'envie de faire avec elle plus ample connaissance. Miss Daisy Thorpe était la fille unique d'un riche industriel de Chicago. Destinée à recueillir une de ses fortunes immenses, telles qu'on ne rencontre guère qu'aux États-Unis, elle n'en avait pas moins reçu une instruction et une éducation des plus soignées, son père et sa mère la destinant à quelques grands seigneurs européens plus ou moins décavés, et dont elle n'eût point manqué, tout en remplissant l'escarcelle, de faire le plus heureux des hommes, à la condition toutefois qu'il ne froissât pas son caractère extrêmement indépendant, et la laissa libre de se livrer à ses exercices sportifs dont elle avait toujours affolé. Car non seulement Miss Daisy Thorpe nageait comme une ondine, mais elle montait à cheval comme un centaure, pilotait une automobile aussi bien qu'un coureur professionnel, et tenait l'épée aussi bien que D'Artagnan lui-même. Mais un désastre financier avait ruiné ses parents. Son père trouva dans une banque un modeste emploi qui lui permit d'assurer ses vieux jours. Et Miss Daisy trouva également une place de dactylographe dans une grande maison de cinéma. Mais elle ne put y rester 8 jours. Elle avait soif de grand air, de liberté, de voyage. Elle sentit que si elle demeurait plus longtemps fermée de 9 heures du matin à 6 heures du soir, à taper sur une machine à écrire, elle deviendrait immanquablement neurasthénique. Alors elle prit une grande résolution. « Je veux partir en Europe, tenter fortune. Avec mes capacités et mon énergie, il n'est pas possible que je ne réussisse pas à la retrouver. » Après avoir sollicité et obtenu la bénédiction paternelle, Miss Daisy Thorpe, munie du léger viatique que représentaient ses économies, prenait passage sur un paquebot à destination de Saint-Nazaire. Loin de rechercher l'aventure facile et profitable sur laquelle sa beauté lui donnait tous les droits de compter, la jeune Américaine était au contraire bien résolue à ne devoir son succès qu'au travail. Extrêmement pratique, très businesswoman, c'est-à-dire très femme d'affaires, elle n'avait pas pris sa décision à l'aveuglette. Elle avait au contraire un plan bien arrêté et qui consistait à utiliser les talents sportifs vraiment prodigieux qu'elle avait su acquérir au temps de son ancienne opulence. Une fois Paris, elle eut vite fait de se débrouiller. Tout d'abord, pour attirer l'attention sur elle, elle participa à une course nautique qui consistait à parcourir toute la partie de la Seine qui va de Charenton au point du jour. Elle arriva à bonne première, battant de 20 brasses le célèbre nageur anglais Toto Lemoine, battant ainsi tous les records et décrochant du premier coup le championnat du monde. Quelques jours après, elle remporta une seconde victoire non moins éclatante dans le fameux circuit d'automobile d'Auvergne, où on la vit, sur les routes les plus difficiles et dans les virages les plus dangereux, dépasser successivement tous ses adversaires. Miss Daisy Thorpe était lancée et sans que cela lui ait coûté un centime de réclame. Alors, tout simplement, elle fonda à Paris, boulevard Malesherbes, une salle d'armes, à l'usage des femmes du monde, où les élèves ne tardèrent pas à affluer. Puis, cédant aux propositions que lui faisait l'impresario d'un grand cirque parisien, elle consentit, en échange d'un cachet vraiment américain, à venir chaque soir, exécuter dans la piste nautique du célèbre établissement, un de ces plongeons de la mort qui ont pour résultat de donner la chair de poule à un public le plus souvent bien cher de dinde. Ce fut la consécration suprême. Miss Daisy Thorpe avait triomphé par elle-même, toute seule. Elle pouvait en être fière et s'accorder quelques jours de repos au bord de la Méditerranée, où l'excellent Prosper l'avait retrouvée, s'ébattant dans les flots bleus, telle une exquise et svelte ondine. Telle était la femme qui, autant par dévouement spontané que par amour de l'imprévu, n'avait pas hésité un seul instant à se précipiter au secours de Judex. Tout d'abord, elle avait nagé doucement, sans bruit, entre deux eaux, afin de ne pas attirer sur elle l'attention des gens qui se trouvaient dans le canot. Tandis qu'ils accostaient, elle s'était tenue à l'écart, faisant la planche, et observant avec curiosité tous les mouvements des passagers. Lorsque ceux-ci eurent tous pris pied sur le pont, et que le canot amarré au brick goélette ne contint plus personne, elle se rapprocha de l'aiglon, s'orienta dans l'intention bien arrêtée de monter elle aussi à bord de ce navire. Mais comment exécuter cette opération sans attirer l'attention de personne? Daisy n'était pas femme à demeurer longtemps embarrassée. En faisant le tour du bateau, elle aperçut un bout de filin qui pendait au bastingage. Elle s'en saisit, d'une poigne vigoureuse, et tout en arc-boutant ses pieds contre la coque de l'aiglon, elle parvint ainsi à se hisser presque jusqu'à la hauteur du pont, lorsque des voix qui partaient de l'intérieur du brick parvinrent jusqu'à elle. Il lui sembla qu'elle venait d'entendre un nom, celui que Coquentin avait prononcé tout à l'heure, Judex. Un hublot s'ouvrit tout près d'elle, sur le flanc du bâtiment. Daisy parvint à s'en approcher assez rapidement. Elle y colla son œil, tandis qu'une expression de curiosité et de surprise se répandait sur son visage. Londine allait assister à toute la scène que nous venons de décrire entre Judex, Favreau, Diana et Morales. Cramponnée à son filin, le corps appuyé contre la paroi du bateau, elle eut la force et la volonté d'attendre jusqu'à la fin de ce tragique colloque dont elle avait compris toute la terrible et sinistre signification. Lorsque tout fut terminé, lorsque Judex, attaché au pilier, ligoté et bâillonné, fut laissé seul dans la cabine, Miss Daisy Thorpe, qui n'avait plus qu'un but, sauver l'ami de Coquentin, attendit encore un moment, réfléchissant aux moyens qu'elle allait employer pour arracher Judex à ses ennemis. Puis, avec des précautions infinies, elle recommença à grimper le long du bastingage et l'oreille aux aguets, retenant son souffle, elle parvint ainsi jusqu'au sabord et jeta un long coup d'œil sur le pont. L'arrière du bateau où se trouvait la cabine dans laquelle Diana et ses complices, Abélier et Jacques de Trémeuse, étaient déserts. Tous les matelots rassemblés à l'avant écoutaient les ordres de leur capitaine. Favreau et Diana, de l'autre côté du navire, paraissaient plongés dans une conversation des plus intimes. Miss Thorpe aperçut aussi Morales qui, dissimulé derrière les ballots, les épiait dans l'ombre. Alors elle n'hésita pas. D'un bond plein de souplesse, elle s'élança sur le pont, puis, se faufilant avec l'agilité d'une panthère, elle gagna l'escalier de la cabine, se demandant, tandis qu'elle descendait les marches, « Pourvu qu'il ne l'ait pas enfermée à clé !» Presque aussitôt, elle respira. Se croyant à l'abri de toute investigation indiscrète et sachant leur victime dans l'impossibilité de tenter la moindre évasion, les bandits n'avaient même pas songé à prendre cette précaution. Promptement, la jeune femme ouvrit la porte et s'en alla droit à Judex et lui arracha le voile noir qui lui couvrait la tête. En voyant cette femme en maillot noir, toute ruisselante d'eau et qui se présente à lui d'une façon aussi inattendue, Judex eut un regard de surprise qu'elle l'ait immédiatement s'illuminer d'un clair rayonnement d'espérance, car à voix basse, Miss Daisy Thorpe lui dit « Ne craignez rien, je suis la fiancée de Coquentin et je viens vous sauver. » Tout de suite, en femme qui se rend compte de la valeur des minutes, l'audacieuse américaine, inspectant des yeux la pièce dans laquelle elle se trouvait, cherchait un instrument quelconque qui lui permît de délivrer le plus rapidement possible le prisonnier. Ne voyant rien tout d'abord, elle ne put réprimer un geste d'impatience. Mais apercevant l'entrée d'une soupente qui donnait dans la cabine, elle s'y précipita. C'était une sorte d'alcôve où se trouvait le lit du capitaine. À un porte-manteau était suspendue une longue casaque de cuir, munie de larges poches, dans lesquelles Daisy plongea la main en retirant successivement un large coutelas et un revolver. « All right, » fit-elle entre ses dents. « Maintenant, tout va marcher à merveille. » Revenant vers Judex, elle s'empressa de lui enlever son baillon et de lui trancher ses liens. Après avoir endossé la veste du capitaine, elle remit le revolver à Jacques de Trémeuse tout en lui disant « Je garde le couteau. De cette façon, nous aurons chacun de quoi nous défendre. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un bruit de pas se faisait entendre dans l'escalier. « Attention !» fit Judex, qui, après avoir fait grandement, noblement, le sacrifice de sa vie, se retrouva à présent plus que jamais prêt pour la lutte suprême qu'il allait engager contre ses ennemis. La porte s'ouvrait, livrant passage à Morales qui, après un mystérieux conciliabule avec le capitaine de l'Aiglon, venait rendre visite aux prisonniers. Le fils du vieux Kerjean n'eut même pas le temps de pousser un cri. En effet, à peine avait-il mis le pied dans la cabine, que Judex, qui se dissimulait dans un angle, bondit sur lui, lui portant à la tempe un coup formidable avec la crosse du revolver. L'amant de Diana chancela, complètement étourdi, mais il ne tomba pas à terre. Fort adroitement, Jacques de Trémeuse l'avait reçu dans ses bras. Il lançait d'une voix brève, sifflante, à Miss Daisy Thorpe, ravi de se trouver en collaboration avec un homme qui semblait lui aussi un sportif dans toute l'acception du mot. « Chère mademoiselle, veuillez me donner un coup de main pour attacher à son tour ce gredin au pilier. » Quelques instants après, Morales était ficelé, au lieu et place de Judex, qui avait eu la précaution de lui recouvrir également la tête avec le bois noir dont, par un raffinement de cruauté, Diana Monti l'avait affublé. Et après avoir compté les cartouches de son revolver, Judex fit en s'adressant à Daisy Thorpe. « Maintenant, mademoiselle, suivez-moi. À présent, grâce à votre intervention providentielle, c'est moi qui vais commander à bord de l'Aiglon. Passez, mon capitaine, » fit aussitôt la jeune américaine. Et tandis que Judex s'engageait à pas de loup dans l'escalier qui conduisait au pont du navire, la fiancée de Coquentin, enveloppée dans la veste en cuir du capitaine Martelly, murmura, tandis que son visage s'illuminait de la plus légitime des fiertés et de la plus douce des allégresses, « Je crois que mon ami Prosper va avoir, comme on dit déjà en France, un coin, oui, c'est cela, un coin de boucher. »